Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared. Troisième épisode, vous avez le droit de garder le silence. Réalisation, Pascal Deux. Au début des années 90, l'Américain David Simon, alors journaliste au quotidien Baltimore Sun, a suivi pendant un an les inspecteurs de la brigade criminelle de la ville. Tu es citoyen d'un pays libre, tu as vécu ta vie d'adulte sur une terre où les libertés sont garanties, et tu commets un crime violent, sur quoi tu es interpellé, conduit au commissariat, et consigné dans une antichambre oppressante qui contient trois chaises, une table, mais pas de fenêtre. Là, tu attends pendant une demi-heure environ, jusqu'à ce qu'un inspecteur de police, un homme que tu n'as jamais rencontré auparavant et que tu ne risques pas de confondre avec un ami, entre dans la pièce avec une petite pile de feuilles de papier réglé et un stylo à billes. L'inspecteur t'offre une cigarette, pas de la marque que tu fumes, et se lance dans un monologue ininterrompu qui semble s'égarer pendant une demi-heure avant de se conclure sur un refrain connu « Vous avez absolument le droit de garder le silence ». Bien sûr, tu en as le droit. Tu es un criminel. Les criminels ont toujours le droit de garder le silence. Mets-toi bien ça dans le crâne. Un inspecteur de police, un homme qui est payé par le gouvernement pour te foutre en prison, est en train d'expliquer ton droit absolu de la fermer avant de sortir une connerie. Tout ce que vous direz ou écrirez pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Hey, oh, ma poule, réveille-toi, bon sang. On est en train de te dire que parler à un inspecteur de police dans une salle d'interrogatoire ne peut te faire que du mal. Si ça pouvait t'aider, il s'empresserait sans doute de te le dire, tu crois pas? Il te dirait que t'as le droit de ne pas t'inquiéter parce que tout ce que tu dis ou écris dans ce box minable sera utilisé à ton avantage devant un tribunal. Non. Ce que t'as de mieux à faire, c'est de la boucler. Alors boucle-la. Vous avez le droit de consulter un avocat à n'importe quel moment, avant tout interrogatoire, avant de répondre à une question ou durant l'interrogatoire. Si c'est pas serviable, ça. À présent, l'homme qui veut t'arrêter pour avoir violé la paix de l'État te dit que tu peux parler à un professionnel aguerri, un avocat qui a lu les parties concernées du code pénal révisé du Maryland ou peut au moins mettre la main sur la version abrégée. Et regardons les choses en face, mon pote. Tu viens de taillader un poivreau dans un bar de Dundalk Avenue, mais ça ne fait pas de toi un neurochirurgien. Pour toi, toute aide est bonne à prendre. Si vous voulez un avocat et n'avez pas les moyens de le payer, on ne vous posera aucune question et le tribunal en désignera un pour vous. Traduction, t'es une épave. Pas de poursuite contre les épaves. Avant qu'on commence, laissez-moi simplement remplir le formulaire, dit l'inspecteur, qui produit maintenant une feuille volante d'explication des droits, formulaire 69 du Baltimore Police Department, qu'il fait glisser sur la table. Explication des droits, déclare la première ligne en gras et en majuscule. L'inspecteur te demande d'inscrire ton nom, ton adresse, ton âge et ton niveau d'études, puis la date et l'heure. Ensuite, il te demande de lire la deuxième section. Vous êtes informé par la présente que... Lisez l'article 1, fait l'inspecteur. Vous comprenez l'article 1 ? Vous avez le droit de garder le silence. Oui, tu comprends. On a déjà vu ça. Alors, écrivez vos initiales à côté de l'article 1. Maintenant, lisez l'article 2. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies paraphé chaque élément de l'avertissement Miranda. Ceci fait, l'inspecteur te demande de signer à la ligne suivante, juste en dessous de la phrase qui dit « J'ai lu l'explication de mes droits ci-dessus et je l'ai comprise pleinement. » Tu signes et le monologue reprend. L'inspecteur t'assure qu'il t'a informé de ses droits parce qu'il veut que tu sois protégé. Parce qu'il n'y a rien qui compte davantage pour lui que de te fournir toute assistance possible dans ce moment de ta vie si perturbant et stressant. Si tu ne veux pas parler, te dit-il, ce n'est pas grave. Et si tu veux un avocat, pas de problème non plus. Parce que, tout d'abord, il n'est pas de la famille du type que t'as refroidi. Et deuxièmement, il aura ses 6 heures sup, quoi que tu fasses. Mais il veut que tu saches, et il est dans la partie depuis bien plus longtemps que toi, alors tu peux le croire sur parole, que le droit de garder le silence et d'obtenir les conseils d'un professionnel n'est pas aussi faramineux qu'on le dit. Regarde un peu les choses sous cet angle, dit-il, se reculant sur sa chaise. Une fois que tu l'auras appelé, cet avocat, fiston, nous, on ne pourra absolument plus rien faire pour toi. Non, monsieur. Tes chers amis de la brigade criminelle vont devoir te laisser enfermer tout seul dans cette pièce. Et la prochaine autorité à examiner ton cas, ce sera une sangsue en cravate et costume 3 pièces, un bureaucrate de l'unité des crimes violents qui ne s'en laisse pas compter, avec le titre officiel de substitut du procureur pour la ville de Baltimore. Et on te souhaite bien de la chance, fiston. Parce qu'un salopard impitoyable comme ça poussera un bouffeur d'en fait des O'Donnell Heights dans ton genre à la porte de la chambre à gaz avant que t'aies le temps d'en placer une. C'est le moment de te mettre à table, pendant que j'ai mon stylo et mon papier à portée de main, parce qu'une fois que je serai sorti de cette pièce, t'auras définitivement loupé l'occasion de donner ta version des faits, et je serai obligé de m'en tenir aux apparences dans mon rapport. Et les apparences, là, c'est que c'est un putain de meurtre avec circonstances aggravantes. Meurtre avec intention criminelle, monsieur, qui, quand on se le prend dans le cul, fait beaucoup plus mal que le meurtre sans préméditation, ou peut-être même l'homicide involontaire. Ce que tu dis ici même pourrait tout changer, vieux. Je t'ai déjà dit que le Maryland possède une chambre à gaz, une grosse saloperie immonde au pénitencier Digger Street, à même pas 2 kilomètres d'ici. Vaut mieux pas trop s'approcher de ce machin, permets-moi de te le dire. Un son de protestation faible et hésitant sort de tes lèvres et l'inspecteur se recule sur sa chaise, secouant tristement la tête. C'est quoi ton problème, bon sang, fiston? Tu crois que je te fais marcher? Eh, j'ai même pas besoin de m'embarrasser à écouter tes salades. J'ai 3 témoins dans les 3 autres salles qui disent que tu es mon homme. J'ai le couteau récupéré sur les lieux qui part au labo pour une recherche d'empreintes digitales. J'ai des éclaboussures de sang sur ces Air Jordan qu'on t'a enlevés il y a 10 minutes. On les a confisqués pourquoi, d'après toi, hein? J'ai une tête à porter des baskets montantes? Putain, non. Il y a du sang partout dessus. Et je crois qu'on sait tous les deux quel groupe sanguin ça va être. Eh, vieux, je suis seulement là pour m'assurer que t'as rien à dire pour ta défense avant d'écrire mon rapport. Tu hésites? Ah, oh, fait l'inspecteur. Tu veux y réfléchir? Eh ben réfléchis-y tant que tu veux, mon pote. Mon capitaine est juste derrière la porte et il m'a déjà dit de te coller une inculpation pour meurtre aggravé, putain. Pour une fois dans ta petite vie de merde, quelqu'un t'offre une chance et t'es trop crétin pour la saisir. Et puis merde, vas-y, réfléchis un coup. Je vais dire à mon capitaine de croquer le marmot pendant 10 minutes. Ça, je peux le faire, va. Tu veux du café? Une autre cigarette? L'inspecteur te laisse seul dans la pièce sans fenêtre, oppressante. Rien que toi, le papier à lettres vierge, le formulaire 69 et le meurtre avec circonstances aggravantes. Le meurtre avec circonstances aggravantes, avec des témoins, des empreintes digitales et du sang sur tes Air Jordan. Putain, t'avais même pas remarqué le sang sur tes foutues pompes. Meurtre avec intention criminelle, monsieur. Circonstances aggravantes, rien que ça. Combien d'années, commences-tu à te demander, combien d'années je me prends pour un homicide involontaire? Sur ce, l'homme qui veut te mettre en prison, l'homme qui n'est pas ton ami, revient dans la pièce, demande si le café est pas trop dégueulasse. Non, tu réponds, ça va. Mais comment ça se passe si je veux un avocat? L'inspecteur hausse les épaules. Dans ce cas, on trouve un avocat, dit-il. Et je sors d'ici et je dresse l'inventaire des pièces à conviction pour meurtre avec circonstances aggravantes et t'as plus qu'à fermer ta gueule. Écoute, mon pote, je te donne une chance. Il t'a attaqué, pas vrai? T'as eu peur? C'était de la légitime défense. Tu ouvres la bouche pour parler. Il t'a attaqué, Non ? Oui, hasardes-tu prudemment. Il m'a attaqué. Oula ! Fait l'inspecteur, levant les mains. Attends une minute. Si on le fait, faut que je trouve le formulaire qui explique tes droits. Il est où ce putain de papelard ? Ces putains de trucs, c'est comme les flics jamais là quand on a besoin d'eux. Ah, le voilà, dit-il, poussant le formulaire d'explication des droits vers toi en désignant le bas de la page. Lis ça, dit-il. Je suis prêt à répondre à un interrogatoire et je ne désire pas la présence d'un avocat. Ma décision de répondre aux questions en l'absence d'un avocat est libre et volontaire de ma part. Pendant que tu lis, il sort de la pièce et revient quelques instants plus tard avec un second inspecteur comme témoin. Tu signes le bas du formulaire, les deux hommes t'imitent. Le premier lève des yeux baignés d'innocence. Il t'a attaqué, hein ? Ouais, il m'a attaqué. Habitue-toi aux petits espaces, mon vieux. Parce que t'es sur le point de te faire expédier à coups de pied au cul dans la terre perdue de la détention préventive. Parce que c'est une chose d'être un petit con meurtrier du South East de Baltimore. C'en est une autre de gérer la situation comme un abruti. Et en l'espace de 5 petits mots, tu viens de t'élever au rang des crétins finis. C'est le terminus, vieux. C'est fini. C'est mort. Et si cet inspecteur de police n'était pas occupé à noter tes salades, il serait probablement en train de te le dire en te regardant droit dans les yeux. Il te donnerait une clope et te dirait, fiston, t'es l'ignorance personnifiée, et tu viens de t'attribuer le coup de couteau qui a coûté la vie d'un être humain. Il te dirait peut-être même que les autres témoins sont trop bourrés pour identifier leur propre reflet, sans parler du gamin qui avait la lame, ou que ce n'est jamais évident pour le labo de relever des empreintes sur le manche d'un couteau, ou que tes baskets à 95$ sont aussi propres que le jour où tu les as achetées. S'il était d'humeur particulièrement expansive, il te dirait peut-être que tous ceux qui quittent la brigade criminelle menottée sont inculpés de meurtre aggravé, et que c'est aux avocats de décider comment ça va se négocier au tribunal. Il continuerait peut-être en te disant que, même après toutes ces années sur des meurtres, il y a toujours une petite partie de lui qui trouve ça complètement stupéfiant que quiconque ouvre jamais la bouche dans un interrogatoire. Pour illustrer sa logique, il brandirait peut-être ton formulaire 69 sur lequel tu as renoncé à tous tes droits jusqu'au dernier, en disant « Regarde un peut-être de nœud. Je te l'ai dit deux fois que t'étais dans la merde jusqu'au cou et que tout ce que tu disais allait t'enfoncer encore plus. » Et si, pour une raison ou pour une autre, son message était encore au-delà de ta compréhension, il pourrait traîner ta carcasse au bout du couloir du cinquième étage, devant le panneau qui dit « Brigade criminelle » en grosses lettres blanches, le panneau que tu as vu en sortant de l'ascenseur. Maintenant, réfléchis un bon coup. Qui vit dans une brigade criminelle ? Ouais, c'est ça. Et ils font quoi dans la vie, les inspecteurs de la criminelle ? Ouais, t'as pigé, mon vieux. Et t'as fait quoi ce soir ? Tu as tué quelqu'un. Alors, quand t'as ouvert la bouche, là, tu t'imaginais quoi, au juste ? Les inspecteurs de la brigade criminelle de Baltimore aiment à imaginer une petite fenêtre ouverte en haut du long mur de la salle d'interrogatoire. Plus précisément, ils aiment à imaginer leur suspect en train d'imaginer une petite fenêtre ouverte en haut du long mur. La fenêtre ouverte, c'est l'issue de secours, l'échappatoire. C'est une représentation parfaite de ce que croit le suspect lorsqu'il ouvre la bouche pendant un interrogatoire. Tous, jusqu'au dernier, s'imaginent qu'ils vont parer les questions avec la bonne combinaison d'alibis et de bonnes excuses. Tous, jusqu'au dernier, s'imaginent qu'ils vont trouver les mots qu'il faut, puis se glisser par cette fenêtre pour rentrer se coucher dans leur lit. Le plus souvent, les coupables cherchent l'échappatoire dès leurs premiers instants dans la salle d'interrogatoire. En ce sens, cette fenêtre est autant le fantasme du suspect que le mirage de l'inspecteur. L'effet d'illusion est profond, qui distord l'hostilité naturelle entre le chasseur et sa proie, qu'il transforme à tel point qu'elle finit par ressembler à une relation plus symbiotique qu'antagoniste. C'est là que réside le mensonge. Et lorsque les rôles sont interprétés parfaitement, la tromperie se surpasse pour devenir de la manipulation à grande échelle et, au final, un acte de trahison. Car ce qui se produit dans une salle d'interrogatoire n'est en fait guère plus qu'un drame soigneusement mis en scène. Une performance parfaitement orchestrée qui permet à un inspecteur et à son suspect de se trouver un terrain d'entente alors qu'il n'en existe aucun. Là, dans un purgatoire méticuleusement contrôlé, les coupables proclament leurs méfaits, bien que rarement sous une forme qui laisse place à la contrition ou ressemble à un aveu sans équivoque. En vérité, la catharsis dans la salle d'interrogatoire ne se produit que pour quelques rares suspects. En général, ceux qui sont là pour des drames familiaux ou des affaires de pédophilie, des cas où la masse de plomb du remords vrai peut écraser quiconque n'est pas devenu insensible à son crime. Mais la plus grande part des hommes et des femmes qui se font embarquer au commissariat ne se préoccupent nullement d'absolution. Ralph Waldo Emerson a justement remarqué que, pour celui qui en est responsable, l'acte de meurtre n'est pas une pensée aussi dévastatrice que les poètes et les romanciers se l'imaginent. Il ne le déstabilise ni ne le terrorise suffisamment pour détourner son attention des banalités quotidiennes. Et si West Baltimore est à un univers ou deux du hameau du Massachusetts où vivait Emerson au 19e, l'observation vaut toujours. Souvent, le meurtre ne déstabilise pas un homme. À Baltimore, en général, il ne pourrit même pas sa journée. Par conséquent, il revient aux inspecteurs d'appâter la majorité de ceux qui reconnaissent leur complicité dans un assassinat à l'aide d'une carotte plus tentante que le repentir. Il faut leur faire croire que leur crime n'est pas vraiment un meurtre, que leur excuse est à la fois acceptée et unique, qu'ils vont, avec l'aide de l'inspecteur, être jugés moins malfaisants qu'ils ne le sont réellement. Certains sont amenés à cette conclusion irraisonnée par la suggestion qu'ils ont agi en légitime défense ou ont été incités à la violence. D'autres succombent à l'idée qu'ils sont moins coupables que leurs acolytes. « Je n'ai fait que conduire la voiture. J'étais là en renfort, ce n'est pas moi qui ai tiré. » Ou « Oui, je l'ai violé, mais je suis resté à l'écart quand les autres ont commencé à l'étrangler. » Ignorant le fait que la législation du Maryland permet de poursuivre chaque membre d'une association de malfaiteurs comme s'il était l'auteur principal du crime. D'autres encore ont la faiblesse de croire qu'ils ont de meilleures chances s'ils coopèrent avec les inspecteurs et reconnaissent une culpabilité limitée. Et souvent, ceux qu'on n'arrive pas à convaincre de tomber dans le précipice de l'auto-accusation peuvent tout de même être amenés par la manipulation à délivrer des alibis, des dénégations et des explications, des déclarations qui peuvent être recoupées jusqu'à ce que les mensonges d'un suspect deviennent la preuve qui menace le plus sa liberté. À quelques rares exceptions près, un aveu est forcé, provoqué et manipulé par un inspecteur formé à l'art de la tromperie. C'est l'essence de l'interrogatoire. Et ceux qui croient qu'une conversation carte sur table entre un flic et un criminel, sans aucun faux-semblant, va résoudre un crime, font preuve d'une naïveté confondante. Si le processus de l'interrogatoire est, d'un point de vue moral, condamnable, il n'en est pas moins essentiel. Privé de la possibilité de questionner et d'affronter les suspects et les témoins, l'inspecteur n'a plus que les preuves matérielles, et souvent il y en a très peu. Si les inspecteurs n'avaient pas l'occasion de manipuler l'esprit de leurs suspects, un grand nombre de malfaiteurs resteraient impunis. Mais comment pourrait-il en être autrement? Il serait assez facile pour notre système judiciaire de s'assurer qu'aucun suspect dans une enquête criminelle ne renonce à ses droits à l'intérieur d'un commissariat. La Cour pourrait simplement exiger la présence d'un avocat tout au long de la procédure. Mais dans les faits, une garantie aussi totale des droits individuels mettrait fin à l'emploi de l'interrogatoire comme arme de l'enquête. Beaucoup plus de crimes resteraient irrésolus et beaucoup plus de coupables en sortiraient libres comme l'air. Au lieu de ça, les idéaux ont été prudemment compromis sans sacrifier grand-chose, si ce n'est l'intégrité de l'enquêteur. Au théâtre, il y a des classiques. Dans la police aussi. L'inspecteur Donald Warden, depuis 25 ans à la crime, en sait quelque chose. Règle numéro 1 du précis de l'enquête criminelle. Premier chapitre du guide d'un inspecteur. Tout le monde ment. Les meurtriers, les braqueurs, les violeurs, les dealers, les toxicos, la moitié des témoins d'un crime grave, les politiciens de tous bords, les vendeurs de voitures d'occasion, les petites amies, les femmes, les ex-femmes, tous les officiers au-dessus du grade de lieutenant, les lycéens de 16 ans qui tuent accidentellement leur grand frère puis cachent le revolver. Pour un inspecteur de la brigade criminelle, la Terre tourne sur un axe de dénégation dans une orbite de mensonges. Bon Dieu, parfois les flics eux-mêmes ne font pas autre chose. C'est une vérité divine, tout le monde ment. Et cet axiome, le plus fondamental de tous, comporte trois corollaires. A. Les meurtriers mentent car ils ne peuvent faire autrement. B. Les témoins et les autres participants mentent parce qu'ils pensent ne pouvoir faire autrement. C. Tous les autres mentent par simple plaisir et pour se plier à un principe général qui veut qu'on ne donne une information exacte à un flic sous aucun prétexte. Un témoin ment pour protéger des amis et des parents, même ceux qui ont versé le sang gratuitement. Il ment pour nier ses rapports avec la drogue. Il ment pour cacher le fait qu'il a déjà été arrêté, qu'il est secrètement homosexuel ou même qu'il connaissait la victime. Avant tout, il ment pour se distancier du meurtre et de la possibilité de devoir un jour témoigner devant la cour. À Baltimore, quand un flic vous demande ce que vous avez vu, la réponse de rigueur, un réflexe involontaire ancré dans la population urbaine depuis des générations, sort machinalement avec un lent signe de dénégation et un regard entendu. « J'ai rien vu. Vous étiez juste à côté du type. J'ai rien vu. » Tout le monde ment. Le sergent Jay Lanzmann supervise une équipe de 5 inspecteurs. La célérité de la réaction de ses troupes est gage de victoire dans la guerre déclarée au crime. Une guerre éclair. Lanzmann croyait fermement à la règle numéro 3 du manuel de la criminelle, qui affirme que c'est dans les 10 ou 12 premières heures suivant un meurtre que tout se joue. C'est le temps qu'il faut pour se débarrasser de vêtements maculés de sang ou les brûler, flanquer dans le fossé les voitures ou plaques d'immatriculation volées, faire fondre une arme ou la jeter dans le port. Les complices accordent leur violon, se mettent d'accord sur les lieux et les heures, éliminent les détails gênants ou contradictoires. Des alibis cohérents et crédibles sont mis en place. Et dans le quartier où le meurtre a eu lieu, les riverains mélangent faits et rumeurs en une bouillie épaisse et homogène, de sorte qu'il devient presque impossible pour l'inspecteur de savoir si un témoin potentiel rapporte un fait dont il a été le témoin, ou un bruit de comptoir. Le processus commence à l'instant où la victime rend son dernier souffle, et se poursuit sans relâche jusqu'à ce que les témoins les plus fiables aient oublié des détails cruciaux. Lorsque c'est l'équipe de Lanzmann qui répond à un appel, cependant, la détérioration n'est jamais très avancée avant que quelqu'un, quelque part, se retrouve enfermé dans un box insonorisé et forcé de subir la pression d'un sergent en pleine combustion spontanée. Mais cette façon de faire est souvent en conflit avec une vérité contraire. La vitesse est un risque tout autant qu'un allié. Si les attaques tactiques de Lanzmann ont une faiblesse, c'est leur progression résolument linéaire, le choix de s'enfoncer immédiatement plutôt que d'élargir le champ de vision. La décision de concentrer tous les efforts sur un unique plan d'attaque est toujours un pari risqué, et l'inspecteur qui, confronté à un labyrinthe, se précipite dans un couloir, ne peut pas être sûr qu'il ne s'enfonce pas dans une impasse. Et il ne peut pas non plus être sûr que les autres portes qu'il a laissées fermées seront toujours là lorsqu'il essaiera de revenir sur ses pas. C'était Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Lu par Eric Herson-Macarel, avec la voix de Johanna Nizar. Musique originale, Emmanuel Bex et Simon Goubert. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared, traduit par Héloïse Esquier. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre et Dali Yaha. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Pascal Deux. Baltimore, une année au cœur du crime, est publié aux éditions Sonatine.